Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lauriers. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. En manchette ce soir, les adultes et les cocos de Pâques d'abord, les chiens, ses amis avec bénéfice, les voisins, ses incompris. Serpents et sushis ne font pas bien au ménage. Vol de banque, vol de dépanneur, blessure auto-infligée par une explosion faite avec une arme, c'est classique. Et bien sûr, la bonne nouvelle 70%. Bonne écoute, tout le monde. Ce soir, à 70%, vos chroniqueurs sont Mathieu Boudreau, Simon Portelance, Jonathan Simon et Tommy Collin-Vallée. Ah, Danny Daniel, on le salue bien bas. Il habite encore dans les Alpes, Danny Daniel, qui est un collaborateur précieux de 70%, qu'on a connu à cause d'un de ses clips vraiment visqueux sur YouTube. Nuit bleue, vraiment. Si vous avez jamais fait ça, Danny Daniel Gabriel, Nuit bleue, ça vaut la peine. C'est une merveille. Sinon, ben merci d'être là à 70%. Bienvenue tout le monde. C'est un beau lundi soir qui débute. Et je suis très content d'avoir Andy à ma droite à la place bonjour, de... Bonjour, bonjour. Comment ça va? Oui, ben ouais, la place de Bruno, slash ben Jonathan, ben oui. Slash Audrey. J'aime ça aussi. On a comme toute une belle échelle de gens. Ça s'entend bien. Mais je suis l'original. T'es le premier remplaçant, c'est sûr. Puis en plus, ben, je suis content de te voir. On n'habite plus ensemble. Non, on n'a plus le temps de jaser jamais. Non. On va pouvoir faire ça t'as-tu live enfants, avec les micros. Là? Non, je... T'es-tu rendu avec des enfants? Je travaille là-dessus. Lui, tu déménages en plus, je le savais pas. Avant, on se disait ça, ces affaires-là. Parlant de se dire des affaires, sérieux, mesdames, messieurs, vous les avez sûrement reconnus ici à ma gauche, c'est Carl et Sean des Resellers. Bonsoir, messieurs. On peut applaudir. Donnez-y, là. Hey. C'est rare qu'on vous voit à l'extérieur de votre décor habituel, le Midget Pond. Sometimes we step out of the store to go to conventions and stuff, but... Laissez-le donc parler dans la langue qu'il veut. Fine, let me try to... Because I wanted to do the intro, but I forgot what the French word for entrepreneur was, so I'll have to think about it. C'est à peu près la même affaire. C'est juste c'est moins visqueux en français, on dirait. Bon, pour faire plaisir aux grenouilles, là. Fait que, ben là... Ben oui, d'habitude, vous êtes au Midget Pond. Oui, mais c'est ça, d'habitude, on aime ça, ben, on run un business, tu sais, je sais pas pour toi, qu'est-ce que tu fais de tes journées, mais tu sais, quand tu run un business, faut que tu sois faut à la job. Faut que tu sois là, souvent, j'avoue. Tu sais, on va faire des pick-up, on va faire, faire des deliveries de temps en temps, sinon on va à des conventions, on va parler ailleurs du monde. Ben oui. Apparemment, le monde aime bien nous voir sur une scène, je sais pas, c'est... Moi, je pense que le monde sont contents, là. Il y en a qui l'ont exprimé bizarre, mais ils pensent à toi, là. Sinon, ben, les jeux vidéo, est-ce que c'est une vieille passion ou c'est récent? À moi, personnellement, ben, oui, Ben, en fait, les jeux vidéo, c'est venu un petit peu après. La première passion, en fait, c'était l'argent. Je trouvais super intéressant. Puis en plus, le monde donne de l'argent pour des jeux vidéo. Fait que je me suis dit, ben, tant qu'à faire... Tu pouvais associer deux affaires que t'aimais. Ben oui, en effet. Là, c'est... On l'a pas bien. Carl à côté, c'est-tu la même chose? Où vous vous êtes rencontrés, d'ailleurs? Ben, dans le fond, Carl et moi, on a un peu côtoyé les mêmes cercles. Dans le fond, moi, avant, j'avais une carrière de chanteur. Je faisais du New Jack Swing. Why don't you wanna? I paid for dinner. Anybody? No? Okay. Mais Carl, lui, était un acteur enfant. Il était dans le film, la suite de War Games, le premier avec Matthew Broderick. Carl, c'était le deuxième, où l'ordinateur, il se rallume parce que quelqu'un l'a rebranché. Fait que Carl doit le battre. And like Hollywood parties and stuff, then we just met up. And okay. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et voilà. Puis ensuite, vous avez décidé de démarrer Midget Pond. rendre au Québec, c'est quand même audacieux. Well, audacieux, I mean, we went to Montreal for a shoot a few years back, and on trouvait ça super beau comme ville. Il y avait les Québécoises sont très jolies. Alors, c'est vrai. I don't know. People say that and people go, ooh. So, you know, I tried. I tried. C'est comme de dire, il n'y a aucune ville qui rock autant que Montréal. Springfield. Ouais, c'est Mr. Black. Et puis, est-ce que vous avez déjà eu un client plus mal commode que les autres? Une belle anecdote de votre magasin. Ce qui est intéressant avec notre clientèle à nous, c'est que justement, on est dans Midget Pond est dans un reality show. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle The Resellers, parce qu'en fait, on est plus les entrepreneurs extraordinaires. C'était ça mon idée pour le show. Ils m'ont laissé le dire dans l'intro. Vous avez perdu le contrôle créatif. Je ne fais pas du montage vidéo. Je ne suis pas la personne qui s'occupe du studio. Je laisse ça aux autres. Par contre, si vraiment une anecdote... Je sais pas. Par contre, tu me rappelles quelqu'un, je trouve. Tu me rappelles un de mes clients réguliers qui s'appelle Joe Cool. OK. Je vois pas d'où tu prends ça. En tout cas, je suis jamais allé, en fait, au Midget Pond. Peut-être que je vais participer à votre télé-réalité un jour. Oh, well, sure. For sure. Anybody's welcome. Venez dans le magasin. On va vous vendre un jeu à un bon prix. Vous avez une sacrée belle variété aussi. On voit ça souvent dans les clips, le gros mur plein de jeux vidéo. Ça a pris combien de temps et comment d'argent pour collectionner ça? En fait, c'est un addon. Un de mes amis collectionnait et avant 2005, c'était pas vraiment comme, par exemple, un Earthbound de 50$ en boîte. C'est comme tout le monde s'en connaissait. Les gars connaissaient rien. C'est ça. Encore aujourd'hui, des fois, tu peux être chanceux, mais là, à cause d'émissions comme Game Chasers puis des trucs de comme ça, tout le monde fait comme, ooh, I got a Mario Duck Hunt, I'm going to sell 200. I mean, that's too much. 75 is a good price. Bien entendu, ce jeu mythique qui rassemble deux des. Est-ce que tu te considères un expert dans le domaine des jeux vidéo? Maintenant, grâce à des trucs comme Wikipédia et tout le temps avoir mon phone en me, c'est vraiment facile de comme. Si j'ai pas l'information qui me vient là, je peux ensuite le dire. Et voilà. Et est-ce que tu conseilles aux gens qui magasinent d'amener leur téléphone et de faire ça live? Non. Je conseille de juste venir puis de me faire confiance. Est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Des fois, j'aime beaucoup Donkey Kong Country 3 parce qu'il y a des monkeys dedans. Hein, les monkeys. Sinon, les petits singes. Des fois, j'écoute l'émission avec les sous-titres et je trouve ça super drôle parce que c'est comme... No one's saying. I know what Mais, you're saying. Sinon, on joue un peu de tout parce que quand tu veux vendre, des fois, faut que tu parles aux gens puis le monde, ils te demande « Hey, c'est-tu bon ça? » Faut que tu dises « Oui. » Mais tu sais, jouer au jeu puis que c'est pas bon, tu dis « Oui, pareil. » Au moins... C'est plus pour dans ta tête, qu'est-ce que tu dis dans ta tête quand tu vas à la personne. Te préparer, oui, je comprends. C'est pas bon le jeu lui-même, mais il faut que tu saches qu'il y a des affaires bonnes autour. Genre. Écoute, avec E.T. dans le temps, mettons. Moi, je trouve que collection de jeux vidéo, c'est comme des enfants. Il y en a tout le temps un lettre, mais il faut que tu les gardes toutes. C'est très bien dit, je pense que les gens vont comprendre. Et puis, Carl... Toi, on te voit souvent en background en train de réparer des jeux et tout. Est-ce que tu vois assez le soleil? Carl, il sort des fois. Des fois, il va faire des livraisons. Comme justement, l'autre jour, il est parti toute la journée. Puis après ça, tu étais revenu avec Afan Arab. Je sais pas ce que tu faisais. Puis dans le fond, il va faire des livraisons. Des fois, je l'emmène prendre une marche. On va sur la plage, genre je lance frisbee. Oh, nice! Est-ce qu'il le ramène? Des fois, quand ça lui tente. Ouais, c'est ça, quand il n'y a plus de batterie dans son Game Boy. Il n'est pas très, très bon. Il est pas. Ouais, je comprends. Peut-être qu'il manque de pratique, mais là, c'est ton homme de confiance, dans le fond. Ouais, mais c'est mon meilleur ami. Je veux dire, en plus, c'est mon sole employee, fait qu'il faut que je fasse attention à lui. Il n'y a pas grand monde de nos jours qui vont travailler pour Bed and Board et Archie Comics. Fait que, Tu le payes à Archie, j'adore ça. Right, excellent. Merci beaucoup d'être ici, les resellers. Tantôt, on va avoir le set de VJ de Carl. Peux-tu nous décrire un petit peu de quoi ça va parler, nous résumer ça? Mais en fait, Carl, dans le fond, va présenter une variété de vidéos de son crew. Là, sorry to cut you off, mais je sais de quoi tu veux parler. Là. Anyways. Mais il va présenter un set de vidéos intéressant. Peut-être, je pense, des épisodes de notre reality show que vous allez voir. Pourquoi pas? On t'entend avec Discovery Channel. Peut-être qu'on va passer là. Je veux dire, entre pornography et horse porn et aussi... c'est quoi l'autre émission? C'est quoi l'autre émission qu'il y avait? C'était... il appelle ça Water Sports, mais ça, j'ai peur de l'écouter. Merci beaucoup d'être là. À partir de maintenant, il va y avoir des chroniqueurs qui vont défiler. Okay. T'as un micro, Carl aussi, si jamais t'as des opinions que tu veux passer, gêne-toi pas, on est content de t'entendre tout le temps. Oui, absolument. Okay. Et voilà, 70% peut y aller. Let's go, Nick, on passe au prochain. J'aime ça, Tommy. Ah oui, c'est la guitare. Ça fait tellement nouvelle. Ah, c'est sérieux. Salut, Andy. Bonjour. On commence. Une chasse aux cocos de Pâques a viré en chaos samedi passé dans la ville d'Orange, au Connecticut, lorsque des parents ont envahi le terrain. Des enfants aussi jeunes que 4 ans ont été piétinés par un déchaînement d'adultes dans le but de capturer des sceaux et de ramasser les 9000 œufs dissimulés dans ce troisième événement gratuit organisé par la compagnie Pez. Un petit garçon de 4 ans gisait dans son sang sur le terrain et une petite fille de 2 ans a été poussée dans la boue, confirment des témoins. Un parent horrifié a décrit la scène comme une foule du chaos, enragée, avec aucun enfant qui chassait les œufs. C'était pire que d'être dans un Walmart au Black Friday, écrivait Val McCormick sur la page Facebook de la compagnie. C'est une analogie conne, on est vraiment dans la marde. Voyons donc. Elle a rajouté, mon poupon, qui se tenait avec ses frères, a été poussé sur le terrain et s'est fait emporter dans la foule. J'ai crié à ses frères, allez-y, avancez! Non, I mean, like kids today. Oui, like... allez chercher des œufs, je m'en occupe! Non, car il était inutile de se battre contre la foule, le flow de la foule. Je comprends pas, les gens se plaignent que les rock concerts, c'est trop cher, aller faire du body surfing. Là, t'as gratuit. Mais là, c'est une question de vie ou de mort aussi, là. Ouais, Chris, oui. Dans le champ des poupons, c'était plus un champ de parents avides. Il n'y avait aucun poupon dans la foule. L'événement, qui démarrait à 10h30 samedi dernier, devait contenir 3 terrains pour différents groupes d'âge et qui devait avoir des départs à temps différents. Plus de 1000 personnes se trouvaient à l'événement, des rubans délimitaient les terrains. Par contre, dès que le premier terrain s'est ouvert, le chaos se passa et les rubans se sont tous retrouvés dans la boue. Quelle surprise! Mon fils de 4 ans a quitté le terrain avec un panier brisé. Il pleurait sans arrêt, une résidente du coin nous disait. Un grand-parent a écrit sur Facebook « Mon petit-fils a été blessé par un adulte dans la section 9 à 12 ans. » Où ouais, était mais le... c'est qui a eu l'œuf en chocolat? Certainement pas lui. Où était le personnel de PES? Où était la sécurité de nos enfants dans votre processus de pensée? Ben, t'es chez vous, là, tu caches des œufs dans ton salon. Là. La compagnie s'est excusée en expliquant qu'ils n'avaient pas prévu ce type d'événement. À chaque année, il y a une histoire d'horreur. Ouais. L'année passée, c'était à Laval que ça s'était passé. Ouais, là. Il y a 2 ans. Ouais, genre. Il y a 2 ans. 70% tient à vous rappeler que d'être adulte implique la possibilité de s'acheter des œufs de Pâques et de les cacher par soi-même ou de demander à un de vos copains de les cacher. Exactement. Fait que laissez donc les enfants ne pas goûter à l'adultitude qui s'en vient pour eux. Asti, hein? Bien dit. Et puis là, rendu là, il y a aussi le fait que... C'est ça. Oh oui, c'est littéralement c'est ça. C'est vraiment épais. Ouais. Là. C'est... Ouais. Peut-être que ça va tellement mal aux États-Unis que c'est des adultes qui avaient besoin d'un apport en calories maintenant. Fait que tu sais, des gens qui crèvent de faim, ça écoute moins. Fait que là, il y avait comme de la nourriture gratuite. Puis là, mais... tu sais, mettons, là, on n'a pas checké. Là, c'est peut-être comme des criquets qui avancent, tu sais, puis tout disparaît. Là. Ils mangeaient les arbres, puis tout. Oh oui, c'est littéralement comme ça. Puis quand ils arrivaient à un terrain, ils attendaient une minute, puis ils repartaient de l'eau basse. C'est ça. Oh oui, ouais, c'est un effet de foule. Ça fait longtemps que je parlais aux États-Unis, mais est-ce que les Easter eggs, c'est couvert par les food stamps? Non. Ben, peut-être au Connecticut, je ne sais pas, par exemple. Ouais, chaque place, sa manière de faire. Let's go, Andy, on passe à la prochaine. On va pour un autre. Une femme de Floride a été inculpée lundi passé pour bestialité. Les officiers du comté de Collier, pas le chien, là, la région, ont déclaré que Miranda Jones, 21 ans, enregistrait ses ébats sexuels avec ses chiens et les envoyait à son copain. Well, what do you say? You know what they say, throw the dog a bone, right? Les autorités rencontraient son copain pour une affaire d'agression sexuelle qui impliquait Miranda. Déniant avoir agressé Miranda, son copain a plutôt donné les vidéos, la montrant avoir du sexe oral avec ses deux chiens. Quand elle a été arrêtée, est-ce qu'ils ont au moins lu ses droits, Miranda? C'est hot. Wow. Ses chiens vont bien et sont présentement suivis par des thérapeutes sexuels. Fait que ça va bien aller. Il y a des thérapeutes sexuels pour les chiens qui ont liché la madame. Non, mais j'aimais l'idée. OK, youf! Hey, dis-moi où est-ce que t'as liché la madame. Montre-moi sur la poupée où est-ce que t'as liché la madame. Pointe la place où t'as liché la madame sur le... Ouais, ouais. Il était où, le beurre de pinot? Il était où? Let's go, next. Une femme, Selena Mobley, a été arrêtée après avoir rentré par effraction dans la maison de son voisin et l'avoir assaillie avec un couteau samedi soir dernier. Ça en est passé des affaires samedi soir. Car elle désirait que la victime déplace son camion de place, celui-ci causant son chien à japper. C'est tout. C'est une petite rapide. Pauvre Miranda. Next. Hiroshi Motohashi, 46 ans, a amené deux petits serpents dimanche dernier dans un restaurant de sushi de Los Angeles, le Hiroha Sushi of Tokyo, dans le but de les montrer aux clients, ce qui est normal. Lorsque ceux-ci se sont plaints, les employés du restaurant ont demandé à Hiroshi de quitter. Celui-ci, frustré par la tournure des événements, a quitté le restaurant pour revenir 15 minutes plus tard avec un python de 13 pieds. Il est rentré dans le restaurant à crier « Fuck you guys » et a lancé le python dans le restaurant et est sorti. Prouvant son point. Les employés ont été contraints de contacter la police car Motohashi, dans sa grande sagesse, restait là et refusait de reprendre le reptile. Un client a capturé par vidéo les officiers de police qui tentent de récupérer le python. Motohashi a été arrêté sur les lieux pour menaces criminelles. Un héros. Un héros. Il était là pour la liberté d'expression et les droits des gens d'être cave en destin. On te regarde, on te revient on tantôt. Va attendre, on peut revenir on tantôt. Va revenir tantôt plus tard dans l'émission. Merci beaucoup, Andy. Tu fais apprécier, hein? C'est des belles nouvelles. On n'a pas eu de dépanneur ni d'alcool. Oh, ça s'en vient, ça. Banque, dépanneur, puis... C'est parfait. Ouais, plus tard dans l'émission, dis qu'on passe au prochain chroniqueur. On passe au prochain chroniqueur, Nick. C'est bon. C'est Mathieu! Aïe! Ça fait longtemps? Ouais, ça fait quand même assez longtemps. Dans quel monde on vit? On vit dans le monde de l'horreur. Hein? Cette semaine, on a eu les attentats à Bruxelles. On a eu Gomeshi acquitté. Et on a eu Ricardo qui ouvre son premier café. On vit dans un monde de terroristes, Tommy. OK, mets ça dans ta pipe. J'ai pas grand-chose cette semaine. Ma belle-mère est dans la salle. Donc, c'est mieux que je parle pas trop. T'sais. On marche les fesses serrées, oui. Ben, surtout qu'elle doit pas savoir t'as un kid. Là. Ouais, ben c'est ça. Là, moi. Faire honte, ça m'a coûté bien que trop cher. J'ai une joke de belle-mère, par exemple. C'est deux cannibales qui sont en train de manger. Le premier dit à l'autre, « Moi, j'aime pas ma belle-mère. » Et l'autre répond, « Mange au moins tes légumes. » C'était pas mal, ça. Sinon, ben, le sujet principal, Caroline Veilleux, oui. C'est sa fête. C'est sa fête. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Puis ça tombe bien, ben, on l'a fait travailler à sa fête. Ouais, on a quelque chose qui s'en vient, là. On pense qu'on peut lui dire Bonne fête, Caroline. Bonne fête, Caroline. Bonne fête, Caroline. Oh, wow! Don't worry, Carl, you'll get some cake. Pour moi, ça va faire finalement l'apport en sucre indispensable à une bonne journée. Ça, c'est quand voilà, même le soleil me fait peur un peu, par exemple. Bon, alors, il y en a presque pour tout le monde, sauf pour toi, là-bas. Désolé. C'est chien comme c'est ça. C'est trop loin. C'est chien comme ça, si la tu vie. Si tu te sens singled out, check-toi dans le miroir. C'est beau pareil, hein? C'est peut-être de ta faute. Mm. Ouais, c'est fou, ça, ces affaires-là. Ça fait même pas mal. Ça s'appelle comment en anglais, ça? Les bougies, là? Ouais. Ça s'appelle les sparklers. Mm-hmm. Des sparklers. Un peu comme à la parade gay à Montréal. Français, à ne pas confondre avec les sprinklers. Ah, non, les sprinklers, non. C'est pas pareil. Des fois, les sparklers font partir les sprinklers. Oh, c'est vrai. C'est joke de mon oncle, tout le monde. Mais c'est une histoire d'amour éternel. Hein. Ah, ouais. Les deux qui se parlent, oui. Mathieu, sinon? Ben, salut. Merci, Mathieu Boudou. Wow! Madame, ah, si, ben, hey, fait que là, on va avoir du gâteau. C'était pas prévu, ça. Ah, il sent bon. Je sais pas si je vais être capable de relever le défi. Oui, je pense que je vais être capable de relever le défi. Ouais, ouais, tiens, je te laisse le tourner. En fait, on passe au prochain, Nick. Attends. Wouh! Il n'y a pas de mots pour aujourd'hui. Non, hein? Je vous ai eu, je pensais que j'allais pas. Non, ben non. Oui, quelque chose. Non, ton sport préféré? Ça. Hey, c'est quoi ton sport préféré, Tommy? La marche dans les bois. OK, fais comme si tu marchais dans le bois. OK, non, ben écoute, cette semaine, on parle d'un sujet chaud. Écoute, la dernière fois que je suis venu, je vous avais parlé de Dieu créa la flaque qui avait trop de personnages à mon goût. Oui. Ben là, on va parler d'émissions jeunesse. On va parler du phénomène qui est apparu au début des années 80, de personnages qui s'en aillent et qui se font remplacer, ou de nouveaux personnages tout court dans des univers d'émissions pour enfants. Chose qui était totalement inédite avant les années 80. T'as un peu, il faut que j'aille chercher ma petite liste là, pour être sûr que... Enfin, j'ai amené des preuves. Des preuves à l'appui. Comme André qui est disparu, genre, puis ouais. Qui a été remplacé par, je sais pas quoi. André, ouais, dans Passe-partout. Ben, continue, ouais. Ben, il a été remplacé par... Je vais comprendre par ton premier exemple. Ouais, c'est bon. Ben écoute, tout ça a commencé au début des années 80 dans l'émission Bobino. Hein? L'émission Bobino qui roulait depuis déjà une vingtaine d'années. Ils ont rajouté le personnage de Giovanni, qui était comme un enfant italien. Il parlait comme ça, là, Signor Bobino! Puis ça a été vraiment l'élément déclencheur de ce phénomène. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais une émission pour enfants, ne change absolument rien à ta formule. Les enfants n'aiment pour pas le changement. Toujours la même chose pendant même tout si le long. Même si ça fait 20 ans quand même, à ouais, un moment donné. C'est important de ne rien changer, sauf vrai. Si tu es dans une émission pour ados. Là, c'est le contraire. Dans les émissions pour ados, c'est cool, les nouveaux personnages. Ah. Prenez des notes, ça peut être utile si vous faites des émissions pour enfants à un moment donné. Ben moi, j'ai pris des notes. Je le sais. Mais ce qui a été vraiment le point tournant dans ce phénomène-là, c'est Passe-partout. Hein? Passe-partout, qu'on a perdu Passe-Coro, on a perdu Fardoche, on a perdu Grand-Papa Bi. C'est quoi qu'on a eu en échange? Hein? Passe-Midi, Tintinabule, hein? Oran et Outan. André a disparu aussi, Julie a disparu. Hey, ils t'ont fait tout un ramdam dans cette émission-là. Hein? Hein, c'est incroyable. Puis Dieu sait que la dernière génération de Passe-partout, pour les fans de Passe-partout, n'existe pas dans leur tête. Ils ont totalement flushé ça. Moi, j'ai jamais écouté vraiment Passe-partout, mais je comprends avec le recul que c'est moins bon. Ouais, mais sacrément, il y avait deux singes qui étaient associés par la queue. Oran et Outan, tabarnak, c'est ça. Ben, comment, on s'entend, hein, moi, c'est Tintinabule qui sortait du garde-robe, ouais, garde-robe qui était mauve, puis qui nous rappelait ça, que hein? Peu importe ce que t'aimais, prendre n'importe où, c'était correct. Puis de faire de l'exercice. Ouais. De constamment faire de l'exercice. Ouais, oh, comment, c'était gossant, là. C'était vraiment gossant. Vous connaissez pas ça, vous venez des States, là, mais c'est une émission pour enfants. Un peu comme Sesame Street. Sesame Street, là, il y a rien qui a changé de ça. Plus de chars qui mangent des camions. Ouais. Là. Ouais. Puis c'est ça, hein, ça a comme été... Non, des souliers qui mangent des chars. C'est ça qui arrivait, ouais. Ouais. Juste pour savoir, est-ce que dans Passe-partout, comme dans Sesame Street, il y avait O.J. Simpson qui était venu non. faire un épisode, non? Non, il n'y a jamais eu O.J. Simpson. Ben, il y avait Doualé. Ouais, Doualé, c'est vrai. Ben, il y avait aussi une marionnette. Il y avait une marionnette vraiment gossante, là. Il parlait comme ça, puis c'était pas de si brun. C'est comment... Je me souviens pas de son nom. À la première, c'est Mélodie. Non, pas Élodie. Non, non, c'est Mélodie. Gars. Ah, un gars. Non, pas Mélodie. Je sais pas si ça me tente. Je suis pas sûr. En tout cas, il gossait puis il me tapait ses nerfs. En tout cas, reste qu'après ça, hein, le club des 100 watts. Qu'est-ce qui est arrivé dans le club des 100 watts? Ils nous enlèvent Marc-André Coallier puis ils mettent Jean-Marie Corbeil. Oh, hein? Shit, hein? Checker les gens traumatisés allô, la drop, dans la salle. Hein? Jean-Marie Lapointe, c'est ça. Hey, je suis désolé, j'ai pas fait mes recherches comme du monde. J'ai écrit ça. Ben, ça avait été Corbin, ça aurait été désagréable aussi. J'ai écrit dans mon bain des exemples tantôt. Après ça, autre exemple, Bibi et Geneviève. Bibi et Geneviève qui a eu un nombre très fixe de deux personnages pendant 3 ans. Puis un moment donné, il y a Julien qui est arrivé, mais Julien, c'était correct. Ben Julien, c'était le voisin, puis on entendait parler depuis le début. Ils nous l'ont préparé. Ah, Geneviève, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je vais aller passer la soirée avec mon voisin Julien. Là, c'est oh! Je vais sortir de notre décor pour aller ailleurs quelques heures. Donc, si tu puisses parler à toi-même tout seul devant la caméra. Puis la dernière saison, en fait, Geneviève était même plus là. Non, c'est là que je m'en allais. Parce que ce qui est arrivé, c'est Julien, c'était correct, mais après, il y a eu la grand-mère. Thérèse, qui remplaçait Geneviève quand Geneviève allait accoucher. Puis après ça, il y a eu Monsieur Vite-Vite, puis il y a eu une autre petite fille qui s'appelait Julie Soleil, de quoi de même. Puis à la fin de tout, Hein, Bibi et Geneviève ont continué de jouer les épisodes d'histoire, mais les concours, Geneviève était plus là, puis c'était Azur qui était là. Ouais, non, ami, ce n'était pas une un wagon de métro, mais bien une marionnette à l'allure fécale bleue avec un accent français. Je me rappelle de lui. Hey, mec, c'est vraiment cool ce que vous faites. Ah, ça, il me tapait ses nerfs, il me faisait peur. Fait que c'est ça, hein, un flop assuré. Azur, ça n'a pas marché. J'espère que le wagon de métro vont mieux aller que la marionnette Azur, parce que sinon, ça ne roulera pas longtemps. Ouh, c'est goué! Télépirate. Hein, Télépirate, on a perdu Guy Jourdain et on a eu Carole. Carole qui était très bon, mais que quand t'es enfant, t'aimes pas le changement. Moi, je suis jeune, fait que moi, j'ai plus vu Carole, fait que moi, je l'aimais, Carole, OK? Après ça... je l'aimais, Carole. Radio Enfer, qui même si c'était une émission pour adolescents, le changement de personnage n'a pas été bénéfique du tout, sauf pour Prof Galgouri, qui lui était très cool. Puis finalement, pour les plus jeunes dans la salle, on se souviendra pas du personnage de Pouette Pouette qui a remplacé Pimpin dans Pimpon, pendant que Pimpin était allé jouer dans Bouscotte. Il est allé jouer dans Bouscotte, fait que là, il pouvait plus être tout le temps là dans Pimpon. Fait que c'était comme de la garde partagée. Hey, le long métrage de Pimpon, là, c'est moins 6. Hein? C'est fabuleux. Moins... Ah oui, je vais peut-être le proposer prochainement. Ah, ouais. Moi, j'aimerais ça écouter ça. Puis on ça, puis Pouette Pouette, c'est comme une version Asperger de Pimpin. Pimpin était déjà pas vite-vite, là, mais Pouette Pouette, c'était le comble du pas vite-vite. Je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps. J'ai pris les meilleurs exemples. Mais on peut quand même relever des exemples de trucs qui ont été bénéfiques avec des changements de personnages. On pense entre autres à Watatata, qui ont bien fait de jeter les jumelles Fraser. Ou encore, on peut penser à Ramdam, qui ont flushé, voyons Chris, comment il s'appelait, Antonin pour mettre Gary Bob. Ça, c'est une bonne idée. Ça, j'aimais ça. Mais là encore, on parle d'émissions pour ados, fait que là, ça passe mieux. C'est ça. Puis dans ce gars exprès de chez vous aussi, hein, qu'on a enlevé Isabelle Brossard. Pour pis, mettre Petronia. Falbo, puis tout ça, mais c'est ça. C'est des exemples. Fait que c'est ça. Si vous faites d'émissions pour enfants, rappelez-vous de la règle numéro 1. Ne jamais rien changer dans votre formule. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, Simon. Que Sesame Street a compris. Ça n'a pas beaucoup bougé, ouais, Sesame Street. Mais Sesame Street, dépendamment du pays, c'est différent. Au Brésil, il y a tellement de monde qui ont le sida qu'il y a un personnage vampire qui a le sida dans Sesame Street au Brésil. HIV! Ha ha ha! Ben oui, c'est ça. Let's laugh about it. Il n'est jamais trop tard. Toi, qu'est-ce qui te fait rire sinon? Est-ce que tu joues à Magic? Et voilà, ça te fait rire. Ben, quand j'étais jeune, dans le fond, moi, j'étais dans la musique. Fait que j'ai pas vraiment eu le temps de jouer à Magic, mais on jouait à Pokémon Street Rules. Fait que quand on gagnait, on jouait pas avec les Energy puis les petites pierres comme dans Magic. On jouait comme genre, on faisait des attaques progressivement chacun notre tour. Puis à la fin, celui qui gagnait ramassait tout. J'avais comme 8 Charizard, là, c'était super le fun. OK, fait que t'avais trouvé comme un système qui t'avantageait. Ah oui, puis ce que tu fais dans le fond, si ça marchait pas, c'est que t'enlèves ton manteau puis tu donnes un coup avec, puis le zipper, ça comme ça l'ouvre la tête. Je me suis déjà fait prendre la tête avec ça. Ça joue ouais, come on, street rules, don't fuck around. Puis, Carl, est-ce que t'es un joueur de Magic? Oui, mais c'est parce que il trouve plus sa carte préférée. Qui c'est quoi déjà? C'est non, c'est une carte verte. Il est comme. Je pense que c'est Wall of Wood. Je pense que c'est des fucking resellers de cartes qui ont comme toutes parties avec. Là. Ils essaient de vendre ça comme voilà. Plus cher. Je travaille là-dessus, en tout cas. Sinon, si tu t'envoies, tu diras que c'est à moi. Radio H2O. Your Jedi mind tricks do not work on me. Ensemble, nous sommes la force. Funny money. No butts, no money, no dude. Hey, my name is Ray Park. I play Darth Maul in The Phantom Menace and Snake Eyes in G.I. Joe Retaliation. You're listening to H2O Radio. May the force be with you and beware of the dark side. Carl, tu peux-tu dire on passe au prochain chroniqueur? On passe au prochain chroniqueur. Il voulait le dire, mais il était comme. Regarde, Jonathan! Allô! Allô, Jonathan! Le Diaclac. Alors, ce qu'on a ici en ce moment qui joue dans le speaker, c'est une pub de TV Hebdo qui date de 93-94, je suis comme pas sûr de l'année. Puis on a le comédien Henri Chassé dedans qui reçoit une télé sur la tête et au lieu d'avoir mal, comme quelqu'un de normal, ça arriverait, il devient un bonhomme en 2D, puis il devient un bonhomme animé, puis en tout cas, apparemment, c'est le fun. De recevoir des TV sur la tête? Ben, il reçoit comme... En fait, sa tête rentre dans TV, si on veut. OK. Puis là, tout le monde qui rentre dans cette télévision-là devient un personnage animé. Fait que c'est un monstre, cette TV-là? Un peu, c'est... Ben, calvaire, y a-tu un remède, genre? Non, il a été détruit en 96. Ben oui, parce que s'il vieillit plus, puis il peut penser, puis habiter toutes les TV, moi, je te jure que ça peut devenir ça, le premier ministre de la planète, avant longtemps. Là. Ben ouais. C'est comme à la fin de Johnny 5-2, quand ils font un shiny en or, puis qu'ils donnent la citoyenneté américaine comme quelqu'un qui pense. Là. Hey, ça vieillit pas, puis ça peut se réparer, puis se modifier, ça. Là. Tu reviens dans 15 ans dans le futur, dans cet univers-là. Là. Short Circuit 3, là, c'est la planète au complet qui est en guerre contre juste le robot, c'est sûr. Je suis sûr que c'est quand même mieux que Donald Trump, mais bon. Next! Hey, on va y aller avec le numéro 5. Numéro 5, ça tombe bien, on parlait de ça. Et voilà. Ben là, t'es en 1993. Je construis 93. À ma manière, je suis capable de tout faire. J'apprends des choses nécessaires avec les yeux du flow. Ouais, pub pour enfants. On n'est pas supposé au Québec faire de la pub destinée aux enfants. Et ça, c'est une pub de Duplo. Dans le fond, des Duplo, c'est comme des Lego, mais c'est fucking moins facile à avaler. Donc, c'est des gros blocs Lego, puis normalement, la pub destinée aux enfants de moins de 13 ans, je crois, est interdite. Par contre, il y a des twists comme quoi que si tu fais jouer ta pub de Barbie pendant Bleu Nuit... Bleu Nuit n'est pas destiné aux enfants. Après, ouais, après 21h, en fait. OK. C'est ton émission, c'est ça. Ah ouais, c'est donc, ça. Parce que dans le fond, tu veux convaincre les enfants, les adultes, d'acheter les affaires qu'ils pensent que leur enfant va aimer en leur parlant comme s'ils parlaient à des enfants. Ouais, c'est ça. C'est un peu pour ça aussi que des fois, dans les films super violents qui passaient à TQS dans le temps, on voyait des pubs de Lucky Charms. Et voilà. C'est tous les trucs pour enfants, on les voyait pendant... Tu sais, comme, je fouille dans bien des cassettes, puis c'est tout le temps dans les gros films de guerre, puis les Bleu Nuit qu'on pogne des commerciaux pour enfants. C'est louche. C'est bon, ça. Ouais, c'est awkward. On va y aller avec le numéro 4, qui est un classique. Lorsque la soif galope après moi, alors toujours, je m'ennuie loin de toi. Oh, ma jolie bouteille de Pepsi, vraiment c'est toi, la reine du cola. Tcha, tcha, tcha. Wow! Où donc, tu vas chercher ça? En gros, on a Claude Meunier, on a un cheval. C'est un... C'est Pepsi. C'est ça. C'est ça. Ça nous rappelle aussi un petit peu pourquoi la seule place au monde où Pepsi est plus populaire que Coke, c'est au Québec. C'est au Québec, et ça, c'est une aberration statistique qu'ils essayent de comprendre. Là, hein. Non, c'est... En attendant, c'est ça. Ouais. 93, personnellement, je pense que c'est mon année préférée pour la pub parce qu'il y a eu des classiques dans cette année-là. Fait que ton top 5 débordait, là. Ben, côté jingle, c'était pas évident, mais côté pub en général, c'est quand même bon. OK. Ça, la prochaine, par applaudissement, là, qui c'est qui aime ça les pubs de bière avec des filles qui ôtent dedans? OK, ben le numéro 3, c'est pas ça. C'est ben oui, pas ça. Un classique. La rousse est douce. Puis le jeu de guerre qui tombe, toi, juste avant. C'était l'ancien Scratch. Puis encore, tu dis ça, là, mais avant que ce soit la poune, là, ben, il y avait comme une pitoune en arrière d'un rideau. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais. Ça. Fait que, dans des fois, une pitoune en arrière d'un rideau, ça le fait. Ouais, ouais, qui ouvre la poune quand elle était petite. Ouais, ouais. Probablement. Pèse pause à l'annonce de bière. Qui n'a jamais fait ça? Je sais pas. Adjo était jeune, je n'étais pas au courant. Ouais, ouais. Je veux dire, quand tu survis au Titanic, tout est possible. Exactement. Il y a des strates géologiques qui le démontrent. Let's go next! Oui, next! Le numéro 2 aussi, c'est un classique avec Rock et Belles Oreilles et ça va comme suit. En me feuillant les pages jaunes, je suis devenu chanteur. En me feuillant les pages jaunes, je me suis trouvé un tailleur. C'est rigolo, en me feuillant les pages jaunes, j'ai dégroupé mes choristes. C'est les trois autres qui chantent. En me feuillant les pages jaunes, j'ai déniché un public qui a pris si bas. Les pages jaunes par télédirect. On ouvre, on trouve. On ouvre, on trouve. Donc, c'était ça pour mon numéro 2. Puis mon numéro 1, c'est mon classique personnel. C'est un jingle de publicité que j'ai déjà chanté dans des parties de famille. Je l'ai passé plein de fois quand je suis venu faire le VJ ici. C'est un classique dans le monde des petits gâteaux et ça va comme suit. Y'a les choux à la crème, mais y'a rien comme la crème de Mie West. Y'a la crème renversée, y'a la crème en rasée, moi c'est ma préférée. West, y'a la crème de monde, y'a la crème brûlée. Y'a la crème de beauté, y'a la crème glacée. Y'a la crème des hommes, et la tarte à la crème. Mais rien, non y'a rien comme la crème de Mie West. Là, à Star, quand j'écoute cette chanson-là, de cette pub-là, je peux pas m'empêcher de penser au film Singam. Ah. J'avoue que vous avez grâce travaillé là-dessus. Grâce à Nicolas Davio. Est-ce que tu te calais? Puis ça, penses-tu qu'il y avait comme une grosse orchestre puis un chef d'orchestre puis tout pour enregistrer ouais, ça? Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Ben, sûrement. L'Opéra de Montréal. Hey, je veux la version longue. J'espère. Moi. Une version. Ah ouais. Il reste ça qu'il y ait une version comme longue. Comme le 12 sais. Minutes de Barbie's Resto Bar Grill. Oui, on a une question. Ouais, on a une question. Ouais. Pourquoi ça existe presque plus des jungles beaux de même? Ben, c'est pas vrai. Puis tout singe bébé. Puis tout singe bébé. Je pense que c'est parce qu'on a plus le câble. Puis je pense que anyway, il y a rien qui accote nulle part jamais Barbie's Resto Bar Grill. Je pense que. Ouais, c'est comme la compétition est trop forte. Puis. C'est ça. Ouais, je pense que oui, mais c'est meilleur. On va te laisser aller parler avec, on passe à la ouais, prochaine, ouais. T'as fini, toi? Ouais, moi j'ai fini, ouais. Jonathan Simon, mesdames, messieurs! D'ailleurs, vous, les resellers, est-ce que vous avez votre jingle? Avez-vous une toune à vous? Sure, we can. Il veut-tu la chanter? Il a l'air de vouloir. Well, I mean, c'est moi le chanteur, c'est moi qui avais la carrière, mais en fait, on a une toune, puis je peux vous chanter le premier couplet. Si ah, ben oui, fais ça, ouais, let's go, live! C'est, veux-tu que je fasse du beat? Ah oui! Pou-pou-tss. Boom boom boom tss, boom boom tss, boom boom boom tss. Retro collecting, your obsession. Heteroclits is our collection. The price you charge, the price we charge, and the price you want to pay. Not the same ballpark, but that's okay. So you all get off calling us reseller. Say it to our face, we'll be a defenestrator. You might not see it now, you might not see it later, but price don't matter to a real collector. Resellers. Wow. Boum, boum, boum. Hey, bon job! J'ai fucké tous les mots parce que je pense en français. C'est vrai qu'on comprend pas l'anglais. Ah, oui, je comprends. La switch est chargée dans ton tête. Dans ton tête. Pas mal traduit. Hey, let's go, on passe au prochain. Bon, Marie. You must be Danny. I'm Dr. Rubens. I see you've already met Crush. You'll be unconscious soon, thanks to her. Yes, I assume you mean asleep. Details, don't worry, Carl, it's just music. You sit on the cradle of the miracle cure. Bonsoir. Hey, salut Tommy Colin Vallée, bonsoir. On peut l'applaudir. Let's go! Je savais pas qu'on avait le droit d'avoir deux Tommy, c'est ben, sûr. Ouais, je travaille là-dessus. Okay, okay. Il peut y avoir que un, mais non. En fait, on peut m'appeler Dr. Colin ce soir. Oh, ah, Dr. Colin. Je vais donner un petit feeling de... De fête des morts vivants, hein, quand même, parce que, bon, Jésus est ressuscité. C'est vrai. Après être mort pour nos péchés. Bon, moi, j'ai jamais compris cette histoire-là, Tommy, honnêtement. Ben, il fallait être là, j'imagine. Ben, il fallait être là. Moi, ça me donne un petit peu l'idée que le gars, il a pensé pendant trois jours à ce qu'il a fait. Comme, ah, fuck that! Non, regarde, qui crève, c'est qu'il y a en enfer, Ninja Vanish. Il n'y avait pas le même nom de mère que Ponce Pilate, fuck. Ah, peut-être. Ce soir, je vais faire une chronique qui fait un petit peu wrap-up de tout ce qui a été dit avant. Ça a été un peu un défi pour moi parce que j'essayais de mettre ensemble mon amour pour le chocolat de Pâques, les jeux vidéo, hein? Bien sûr, Sean et... Carl. Caroline, bonjour. Et non, mettre ensemble tout ça, mais je suis arrivé à la conclusion que la seule façon, c'était de parler de novélisation de jeux vidéo qui était faite dans les années 90. Oh, nice. Personne ne l'avait arrivé, ça. Nice. Pow! Donc, c'est une chronique qui s'adresse à la fois à ceux qui ont eu une enfance dans les années 80-90 et à leurs parents, parce que j'ai quand même un message en arrière de ça. Oh. Des fois, il y a des choses qui sont des fausses bonnes idées. Et World of Power, selon moi, est une des meilleures fausses bonnes idées des années 90. Donc, pour vous mettre un petit peu dans l'historique, il y a eu un... Montre-la à la caméra pour la photo. Entrepreneur extraordinaire, en fait, Seth Godin, qui a eu la magique idée de créer des livres à partir de jeux vidéo de Nintendo. Là, on voit un Simon's Quest. Là, là j'ai Simon's Quest dans mes mains, mais il y en a eu 10 nice. En tout. Il y a eu aussi Ninja Gaiden qui a été faite. Il y a eu Mega Man 2. Il y a eu un roman de Mega Man 2. Un roman de Mega Man 2 et de Base Loaded 2, un jeu de baseball. The Bases Loaded 2. Pourquoi? Parce que... Wow. Et toutes ont été écrites sous le nom de FX9, qui est un nom d'emprunt. Et c'est pas inintéressant, parce qu'il a décidé d'utiliser le FX9, parce que les trois premières lettres de 9, c'est N-I-N. Comme ça, un enfant va à la bibliothèque, cherche des choses sur le Nintendo, va trouver ces livres-là. J'aime ça. Et c'est un magnifique entrepreneur qui a réussi à faire ça et à acheter des Ghostwriters pour être capable de faire 10 livres en tout. C'est ça, c'est pourquoi je vais vous parler de Simon's Quest? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi la Castlevania, en fait? Est-ce que tout le monde connaît Castlevania? Explique-moi un peu le concept de Castlevania. Ben, c'est super facile, Castlevania. Je veux dire, c'est... Ouais. C'est Dracula qui est méchant dans un château qui s'appelle Castlevania. Et c'est, je pense que le premier se passe en 1875. Et c'est de la famille Belmont. Celui-là étant Simon Belmont qui va se battre contre Dracula. Exactement. Puis là, j'ai le 2 dans mes mains. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans le 2? Eh bien, Dracula est mort. Ouais. Et ses parties de corps sont un peu partout. Mais il n'est pas vraiment mort. Il est mort vivant. Et donc, Simon Belmont doit revenir et doit lancer les pieux magiques dans les orbes qui symbolise les parties de corps de Dracula pour enfin le tuer pour de vrai. Bon, puis il doit si je prends ton histoire, ce qui est à peu près exactement ça, pour le faire en novélisation, on ne peut pas faire juste ça. Parce qu'on s'adresse à des jeunes de 13-14 ans, c'est pas assez. Ça prend de la catharsis. Il faut que les jeunes puissent se transposer dans le personnage. Ben oui, fait ben qu'ils oui. ont décidé d'ajouter un jeune personnage de 14 ans nerd, tout ce qu'il y a de plus non. average qui existe au monde. Un demi-lune, c'est-tu. Que lui-même se dit average, puis se dit porter des lunettes à grosse monture noire parce qu'il est un peu excentrique. Bon. Élémentaire, mon cher Buffer. Donc, on a Timothy Bradley qui, dans son école, est considéré comme celui qui est capable de battre Castlevania 1. Il était capable de le battre 19 fois, ce jeu-là. Il aime ça, s'entraîner ses pouces à jouer à ce jeu-là. Et dans une journée ordinaire dans laquelle un bully veut essayer d'y péter la gueule dans les toilettes, apparaît Simon Belmont de nulle part pour lui dire « Tu dois m'aider à combattre Dracula à nouveau. » Ah, il est siphonné dans le jeu tellement il était bon au premier. Il était tellement bon qu'on le siphonne dans le jeu. Et j'ai quand même... un petit portrait de Timothy, parce que c'est intéressant de savoir certaines choses sur lui. Première chose... Là, attends un peu, là, parce que j'adore où on est rendu. Là, il ouais. y a un jeu subpar de 1989, ouais. qu'il y a quelqu'un qui a fait un roman de ça, ah ouais? et qui a rajouté un personnage qui est un petit gars de 14 ans. Qui va aider le héros du premier héros, est allé ouais. lui parler pour l'amener dans son univers. Exactement. Et là, on va en apprendre plus sur ce petit gars-là qui s'appelle Timothy Bradley. Il faut comprendre une chose avant, c'est qu'on est dans une période où il y avait beaucoup de naïveté hein, par rapport aux jeux vidéo. On pensait que c'était le mal incarné. Oui. Les jeux vidéo empêchaient les enfants de faire du sport, empêchaient les enfants de lire des livres. C'était le début de Doom qui rend les gens violents. Là. C'était exactement, Mortal Kombat qui détruisait les mœurs parce que c'était pourri. Donc, c'est important d'aller chercher ce public-là, de les faire lire des livres et leur donner des bonnes morales aussi. Donc, on veut un personnage dans lequel ils peuvent donc se transposer. Ça, dans le fond, c'est comme Captain N de Books. Ah, oui, littéralement. Ouais, exactement, ouais, ouais. oui. Mais en vraiment cheap. C'est genre un fanfiction de Nintendo, là, rendu là. Donc, Timothy Bradley aime trois choses dans la vie. D'un, le chocolat. Ah. Première chose, il adore le chocolat. Et j'ai compté dans le livre Il y a 73 mentions du mot chocolat et de ses dérivés. On est à peu près à deux par page. Il y a 135 pages. Okay. Donc, une page plus que sur deux a une mention de chocolat. D'ailleurs, il y a du placement de produits à la pelletée. On parle de Hershey, Godiva, M&M, Cadbury, Gatorade. Mais là, s'il est apporté dans le monde de Castlevania... Ah, on parle de chocolat quand même. Là. Dieu, j'aurais mangé une Snickers. Timothy apporte avec lui un sac rempli de friandises. Qu'il va le perdre un moment donné dans un sable mouvant, ça ne va pas y empêcher d'en parler encore. Non, c'est sûr. OK? C'est sûr. C'est comme le cheval dans Neverending Story. Ah! Non, chocolate, non! Don't despair, chocolate, don't! Deux pages de discussion sur le fait qu'il a perdu son sac. Tu te rappelles-tu quand j'avais du chocolat? Tu te comptais bien. Mais ça a plus l'air d'être quand j'avais des Hershey d'ailleurs, ou des Henry. D'ailleurs, Dracula se met dans la peau d'une jeune fille pour essayer de le tenter avec une barre de chocolat jusqu'à temps qu'il se rende compte que « Mais non, il n'y a pas de chocolat dans ta dimension. » Esti de réflexe! Esti de le même Dracula qui est coupé en morceaux un peu partout? Ouais, ouais parce c'est que le même. Là. Dracula est coupé en plein de morceaux, mais il essaie de posséder des corps. Ah, OK, attendant. Comme c'est un peu ça l'histoire. Donc, première affaire. Hey, it's the Arab, everybody! Hey, c'est the Arab! Salut, the Arab! Tout le monde le connaît. Deuxième chose que Timothy aime par-dessus tout, c'est les mauvais jeux de mots et les jokes plates. Ah, déjà, d'ailleurs, on l'aime plus. D'ailleurs, j'en ai une très bonne pour Sean. Sure, je vais essayer de la dire en anglais approximatif. Why do vampires drink cough syrup? I don't know why vampires drink cough syrup. Why is that? To stop coughing. Wow! Fait que non, je me suis non, tapé non, ça pour non. vous ce soir. Je suis désolé. Damn! Même quand j'avais 14 ans, j'aurais pas trouvé ça. Mais c'est le genre de degré de joke que t'en en fais 5 puis tu deviens. Après, en fait, rit, le livre est self-aware parce que même Simon Belmont va dire après ça: je comprends pas ta joke, mais ton raisonnement est bon. C'est bon ça. Et comme troisième aspect. Je sais pas si je suis confortable à l'idée de Simon Belmont qui est en petit pagne avec pas de pantalon qui se promène avec un enfant. Je sais pas là. C'est non? Un fouette. Ouais, puis il va y apprendre à faire du fouette aussi. Tu fais un kit, tu tiens par la base, faut que tu tiennes par la base, tu lâches jamais. Solidement. Ouais. Ouais. D'abord, il va lui donner une épée, et d'ailleurs, il va réussir à donner des coups, puis à crever un œil, qui va avoir du pus qui va sortir. Mais tu sais, je dis ça, même. Qui lui rappelle le centre d'un chocolat capturé. C'est full dégueulasse qu'on nous raconte. C'est full dégueulasse qu'on raconte dans le livre, mais il y a une chose aussi à savoir, c'est que dans les. C'est Scholastic qui a fait ça, hein, puis. Scholastic, c'est comme une compagnie qui est un petit peu religious, c'est bon. Il y a des bonnes morales. Puis un des règlements, quand tu publies un livre avec les autres, c'est que tu peux pas dépeindre des armes sur la couverture du livre. Bon, là il y a un fouet, mais ça a l'air que c'est correct. Mais dans le livre de, je pense que c'est Snake dans Metal Gear. Okay. Ben, tu vois Snake qui a ses mains comme ça, mais il n'y a pas de gun. Ça sont forçant à tabarnak. Ryu Arabusa de Ninja Gaiden, il y a la main de même, mais il n'y a pas d'épée dans la main. Non, c'est ils ont sûr. Tout enlevé parce que dépeindre des armes, c'est mal, mais parler de décapitation, ça a l'air que c'est pas grave c'est parce que c'est subjectif. C'est ça, ben, hein? On imagine chacun, ouais, c'est ça. Il peut y avoir des décapitations moins gruesome que d'autres. Genre. Exactement. Donc, Timothy Bradley aime le chocolat, je reviens à ça. Il aime les jeux de mots plates, hein? Comme Vampire State Building. OK? Bye, Andy! T'as-tu dit Vampire Steak Building? Steak, comme un Vampire Steak, c'est super bonne. Et la troisième chose, donc, il aime beaucoup les jeux vidéo, et c'est pour ça qu'il est là, ben dans oui, ce ben monde oui. de vampire. Comme dans The Last Starfighter. D'ailleurs, on parle de quand même 4-5 jeux différents dans le livre, dont Donkey Kong, Double Dragon, Zelda et Castlevania. T'sais, c'est comme si tu donnais ce livre-là à ton enfant, t'étais un parent, tu pensais que tu faisais une bonne action, finalement, tu donnais un catalogue de consommateurs, ben oui. Distribution consommateur, tu sais. Ah, tiens, je vais acheter du chocolat, je vais acheter des jeux vidéo, parce qu'on parle que de ça. Écoute, il y a des références à n'importe quoi. Toi qui as lu le livre, est-ce qu'à la fin, l'affrontement final avec Dracula, c'est qu'ils vont dans une place qui s'appelle Videomageddon et ils vont jouer à Super Mario 3? Ben, sont quand même il y a restés, un gant. Ils sont quand même restés. Personne so bad. Comprend les points ben, aussi. Il y a des références à Blockbuster. Ah. Dans le livre. On n'est pas maintenant. La fin de la culture. Mais ils sont quand même restés proches du scénario original. D'ailleurs, même que, comme je disais tantôt, le livre est self-aware, puis il finit par dire, regarde, les mansions, les différents donjons, ils sont tellement répétitifs que, bon, on va juste en parler d'un, puis le reste... Pff. Est-ce qu'il y a aussi le chapitre où... Oh, shit! Et y'a-tu... C'est bon, ça! C'est bon, hein? Y a-tu 15 pages avec rien où est-ce qu'ils sont sur le bord d'une falaise en faisant... Chris, qu'on fait quoi, là? Ben, si, fait quoi, question. Si tu mets toutes les bouts, un après l'autre, de qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça fait 15 pages, effectivement. Est-ce qu'il y a deux pages blanches qui est écrit « What a horrible night to turn a page » Ça, j'avoue que c'est... Good one. J'aurais aimé l'avoir, celle-là. On dirait que c'est comme si j'écrivais des jokes de jeux vidéo tout le temps. J'aimerais ça juste terminer la chronique en relevant quand même quelques petites choses qui... Qu'est-ce que j'ai appris finalement en lisant ce livre-là? Et voilà. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que si on veut chercher des armes pour tuer un vampire, ben il y a une place qui s'appelle le vieux magasin anti-vampire qui existe. The whole vampire killers. Alors, on peut y acheter de l'ail et des lauriers. Tout sauf du chocolat. Effectivement. The Ye Olde Anti-Vampire Shop. Shop, ouais, j'ai ouais. J'ai appris aussi que dans l'univers de Castlevania, il y a deux sortes de monstres. Il y a les gentils monstres et les méchants monstres. Les gentils monstres sont cute. Les gentils monstres, non. Les gentils monstres, leur nom termine par I-E. Les méchants monstres, leur nom finissent par Y. On est des méchants monstres. Wow. Ah, Tommy, ben oui! Andy aussi, méchant monstre! On est des méchants monstres. Oh yeah! J'ai appris aussi que c'est pas parce que t'es gros, que t'es laid et que t'as un air malicieux que tu travailles pour Dracula. Ça veut rien dire. J'aurais pensé le contraire. Don't worry, Carl, you don't work for Dracula. Yet. J'ai appris aussi, en fait, que personne ne résiste à la tentation de Dracula, sauf tous les personnages good du jeu. Yeah! Donc, tout le monde. Tout le monde ne résiste à Dracula, finalement. Et j'ai appris aussi que la meilleure façon de se déplacer, c'est d'invoquer une tornade. Ah, ça, c'est sûr. Puis ça, pour vrai, dans plusieurs jeux, c'est vrai. C'est dans vrai. Zelda, c'est vrai. Dans Mario Bros. 3, c'est vrai. Vous pourriez en nommer d'autres, sûrement. Oui, ben oui. Il y a eu une époque où, quand une tornade, pour passer d'un point A au point B, c'était ce qu'il fallait faire. Un moyen de transport. C'est un moyen de transport. C'était pas une catastrophe naturelle. C'était l'azur des jeux vidéo. J'ai aussi appris que chaque pierre tombale raconte une histoire, littéralement. Ils t'arrêtent et ils veulent te conter leur histoire. Puis pour terminer, je dirais une seule chose. Il y a de la morale dans ce livre-là aussi. Hein? On veut quand même que les jeunes apprennent des choses. Que les jeunes finissent le chocolat avant d'aller acheter le King Kong. C'est important dans la vie, quand on a des échecs, de continuer, de réessayer et de persévérer. Ah ouais, je savais pas. C'est beau, hein? C'est bien, ça. Merci. Appuie pas sur end, appuie sur continue. Ouais. Et voilà. Merci. Merci, Tommy. Est-ce que c'est bon, ça? Oui, mais là... Je voulais juste mentionner une dernière chose. Encore? Oui, ben tu sais, je vous ai parlé de placement de produits tantôt. Oui. Puis je veux avouer que c'est un peu ce que je viens de faire, en fait. Parce que ça va se retrouver à l'encan tout à l'heure. Oh, yeah! Hey, je le veux, moi. Avec aussi Blaster Master. On a celui de Blaster Master, oui. Il y en aura deux qui a l'air aussi excellent. Everybody can try to win, Carl. Merci beaucoup. Hey, d'ailleurs, comme on a un petit peu de temps à la fin de l'émission, moi, cette semaine, il est sorti sur le club vidéo sur Internet et j'ai vu le Star Wars. Et je veux en parler un petit peu du Star Wars, le 4-2, là, le 7 là, qui est fait. Là, il y a des gens qui disent que ben oui, c'est fait pour plaire aux fans. Ben, moi, je l'ai vu le film et c'est vraiment quelque chose qui est fait pour... c'est pas autant fait pour plaire à des gens que déplaire à personne. Et on est vraiment dans une vague de cinéma de plus en plus... La trail était là, tu sais, il n'y a pas de poursuite que je me rappelle vraiment. Je comprends pas pourquoi il est allé dans le jet du vaisseau, parce que... Et moi, ce qui m'a fasciné le plus, c'est à quel point tout allait bien. Ouais. Parce que là, ils volent le Faucon Millennium Condor, puis là, ils s'en vont dans l'espace, là, il y a une panne. Là, juste comme lui, il est pour lui dire, ouais, finalement, je t'ai menti, ben là, le vaisseau pète. Fait que là, il répare le vaisseau, mais pendant qu'il répare le vaisseau, ça fait qu'il remarque pas qu'il y a un autre vaisseau qui les avale. Puis là, dans l'autre vaisseau qui les avalait, ben ça donne que c'est Yann Solo. La galaxie, c'est grand tabarnak. Fait que déjà, ça va bien en esti. Fait que là, ils deviennent meilleurs chums. Ils poursuivent leur quest et tout. Et là, à un moment donné, la fille se fait kidnapper, ce qui est très original. Et là, Il regarde la map de. Tu sais, là, ils disent, ben oui, mais celle qu'on a battue avant était grosse de même. La seule qu'il faut combattre est rendue grosse de même. Fait que là, il y en a un qui dit, ben on pourrait aller péter l'affaire qui brille sur notre map, là. Là, ils disent, ben oui, mais il y a un bouclier autour. Fait que là, ils disent, ben là, on va aller la faire péter, c'est pas tough. OK, ben va la faire péter, puis nous autres, on va attendre, puis on va attaquer après. Fait que là, eux autres, ils s'en vont. Là, en fait, la plan d'après, genre. Il y a le Faucon Millennium Condor qui sort de la super vitesse. Puis ils sont en avant d'une montagne. Fait que là, tu sais, c'est stress con. Là, tu sais. Fait que là, ouh, on est pas capable de viser comme il faut. Fait que là, ouh, là, il atterrit en catastrophe. Puis ça donne que c'est juste à côté de la place qu'il faut qu'il aille. Fait que là, ils font comme 10 pas. Là, ils sont rendus à côté. Le plan d'après, il y a un soldat qui ouvre une porte. Puis là, pis il tue. Ils n'ont plus besoin. Ils ouvrent la porte. Là, ils continuent. Asti, que ça va bien à partir de là. Là, ils mettent des bombes partout. Là, un coup, ils ont fini de mettre des bombes. Ils disent, ben là, faut qu'on retrouve la fille avant de tout faire sauter. Là, Han Solo, il fait « Ah, elle est là. » Puis, tu sais, c'est une planète, là. Elle aurait pu être là, mais elle est là, tu sais, elle est là. Fait que là, ben, il sauve la fille. Fait que là, il sort, c'est fini. Là, juste avant de tout faire péter, ça donne qu'Han Solo, il voit son fils. Puis là, les deux autres, ils sortent, ils ont comme un promontoire. C'est juste à côté de la machine à coke puis du popcorn. Ils peuvent checker ça, tu sais, ouais, on va attendre. Là, tout le monde check, tu vois. Ah, qu'est-ce qui va arriver? Fait que là, ben, il meurt! Quelle surprise, hein? Ça, il tentait Han Solo de revenir, ça paraissait à toutes ses interactions. Fait que là, il meurt. Là, juste après, ça donne que là, ils ont la map définie. Là, ils peuvent suivre la map. Là, ils arrivent sur une planète. Puis ça, tu sais, peut-être que sa map, c'était écrit, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils arrivent sur une planète, ils voyagent 3 secondes. Là, il y a une île, ils débarquent de l'île, ils montent en haut, puis ah, tiens, t'es là. Asti que ça allait bien, man, ça allait tout bien d'un bout à l'autre. Et c'est pas mal ce que j'avais à dire sur le nouveau Star Wars. Ça m'a fait plaisir. Toi, t'as-tu aimé ça? Ben, je peux te dire que quand je regarde Daisy Ridley, là, The Force Awakens... Là, ouais, et voilà. Mais non, mais écoute, c'était bien. Écoute, c'est sûr que c'est un peu plate, un film de même, qui essaie de moins offenser le monde possible. Qu'est-ce que les fans vont être contents, le nouveau public va être content. Moi, dernièrement, je suis allé voir le nouveau Batman v Superman. Pis, ben, ça, on savait que c'était pour être pourri. J'étais gearé de l'air. Mais c'est tellement fucking n'importe quoi. Je bois pas, mais j'étais fucking sous en sortant de là. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est du cinéma vraiment what the fuck. Ça a coûté 300 000, mais je comprends rien. Il y a un plot point dans le film qui repose autour d'une genre de pisse. Mais ça, c'est la technique Transformers. Ça. Non, je suis absolument sérieux. C'est exactement. Mais c'est pas plate. C'est juste... C'est Transformers 2, là, c'est une étude visuelle. C'est comme, mettons, la série de Monet, là, quand il peint tout le temps la même bale de foin, sauf qu'à la place, c'est des explosions, puis des têtes qui revolent. C'est tellement off the track, par contre, que ça en devient quasiment artistique. J'aime pas ça dire c'est The Room of the Comic Book Movies, parce que c'est un simili qui est utilisé, mais c'est The Room of Comic Book Movies. Faudrait le voir juste pour voir à quel point they don't get it, puis ça devient un spectacle en soi, tandis que Star Wars, c'est they get it, mais c'est un peu comme... C'est un code diète. Mais comme il a dit... Exact, c'est ça. C'est un code diète flat que, ben, si t'as soif, je préfère un fuck-up que juste, OK, sure, I like the movie. En tout cas, puis aussi, il faut pas oublier qu'à cette heure, les films, comme ils savent qu'il y a du piratage et tout, souvent, ils mettent autant dans la campagne publicitaire que dans le long-métrage. Tu sais, on se souvient que John Carter, c'est un des films qui a été le plus gros flop de toute l'histoire du cinéma, mais le film a coûté 200 millions et a rapporté 190 millions. Ce qui fait que ça, c'est quelque chose comme 200 millions dans le trou, c'est qu'il y avait une campagne de pub de 200 millions pour un... 200 millions, là! Tu peux en faire des écoles et amener de l'eau à tout un village en tabarnak, tu sais. Puis là, le film Batman versus Superman, moi le gars, je le savais que c'était pour être de la calice de dos. Je pense pas que j'ai un pouvoir spécial pour l'avoir deviné d'avance. Et ça a rapporté plus d'argent que n'importe quoi. Fait qu'ils vont en faire un autre, puis ils s'en calissent de ce que le monde pense. Tu le voyais dans Rotten Tomatoes. T'avais 30%, puis t'avais 99% de gens qui vont le voir, puis 30% que le film n'est pas bon. Fait que t'es comme... Ouais. J'ai pas dit que c'était bon, j'ai juste dit que c'était un fever dream. Genre, c'est voilà. Comme, j'en reviens pas. Non, je pense qu'il y a personne qui pense que t'as dit que c'était bon. On arrive à la fin. On arrive à la fin de 70%. Let's go, on passe au prochain chroniqueur, Nick. C'est nice. Deuxième bloc de nouvelles. Let's go, Andy. Là, on s'en va dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse vraiment, les l'alcool, puis les dépanneurs. Il y a pas beaucoup d'alcool, surprenamment. Franklin Yamil Cuevas, 32 ans, s'est permis un trip mercredi passé avec son ami Kevin Alberto Reyes en tentant de voler une banque. As you do. Ben oui, fin de semaine. Malheureusement, Franklin avait beaucoup trop de plaisir. Ils sont arrivés à 18 heures, se sont stationnés en face de la Regions Bank avec sa Nissan Altima rouge 4 portes. Reyes est allé vérifier si la porte de la banque était ouverte. Elle l'était. Et Cuevas débuta son moment magique. Il s'est présenté à l'extérieur de la banque, a sorti son pistolet semi-automatique, s'est mis à tirer dans les airs en criant « This is a robbery, motherfuckers! » à l'extérieur de la banque. Un des employés a profité du fait que Cuevas était à l'extérieur de la banque pour barrer la porte. Ce qui a eu pour effet d'annuler son moment. Le retournant, je soupçonne la tête baissée à la manière de Charlie Brown. Les deux se sont rendus au poste de police après avoir vu des images prises d'eux sur le fait. Fait qu'ils ont fait attention. Bon, on va dans la police. Puis oui, il avait bu. Fait que là, en plus de tout ça, il va avoir une condamnation pour avoir conduit sous sa Altima rouge. Ouais, genre, tentative de vol. Ben, en tout cas, tentative. Pauvre imbécile. Ouais. Mais quel beau moment. Ben oui, c'est sûr. Là, puis là, il pouvait pas tirer d'un verre, ça doit être par balle. Ouais, vite, c'est en tout cas. Chouette que tous les voleurs de banque soient aussi intelligents qu'eux autres. Ça, on va en entendre parler souvent. Au moins sous. Ouais. On y va pour un autre. Motherfuckers. Timothy Broad, 30 ans, a été condamné en février dernier à Clacton, Angleterre, pour un vol de dépanneur et a été emprisonné ou inculpé pour 3 ans. Broad, qui portait une cagoule, a décidé d'utiliser une bicyclette pour fuir les lieux du crime, mais a réussi à tomber de sa bicyclette à 3 reprises, échappant par le fait même sa cagoule, d'où on a pu retrouver son ADN, et tout l'argent qu'il avait volé. C'est ça qui arrive quand il n'y a pas E.T. en avant de ton bicycle. Ah, c'est vrai qu'il aurait pu aider, Poppy. Let's go, next. Moi, Bruno. David Presley a décidé un beau jour de remplir sa tondeuse à gazon avec de la tannerite, une poudre explosive bien connue des artificiers et dont les effets sont extrêmement dangereux si on ne se tient pas à distance suffisante. Avec des amis, David Presley a installé sa tondeuse explosive dans une forêt et sans doute pour faire une vidéo originale qui existe, vous pouvez aller le voir, je l'ai vu, a tiré dessus avec une fusil mitraillette. Les deux premières balles de tirer n'ont eu aucun effet. Alors, l'artificier amateur tire une troisième fois. L'explosion, impressionnante, souffle le tireur. Et je rappelle, ça existe, je l'ai vu et c'est littéralement ça. Souffle le tireur et le caméraman qui se retrouvent au sol. C'est une vidéo plus longue diffusée par la police que j'ai vue. On peut entendre David Presley hurler « Ah! My leg is ripped! » Ma jambe est arrachée. Et je vous invite à le voir, c'est sur YouTube. C'est super le fun à voir. Le bureau du shérif met en garde tous ceux qui voudraient imiter David Presley en leur demandant de se tenir à bonne distance de ce genre d'explosif. Ou de juste pas amener leurs jambes. You know what I say, just let Darwin's law take over. You know what I'm saying? Ouais, sur la vidéo, on peut estimer que David Presley n'est pas à plus de 50 mètres de la tondeuse. Dépité. Le shérif c'est beaucoup ça, pareil, ça saute. Ah oui, il est à une bonne distance. Mais c'est quoi le but de la tondeuse? Pourquoi une tondeuse? Le shérif a résumé la situation, ainsi que sur le compte de Facebook de la police. Les explosifs ne sont pas interdits à la vente, les gars, mais come on. La tondeuse n'avait rien fait à personne, c'est sûr. Come on. C'est la fin de ta nouvelle, ça? De celle-là, oui. OK. Come on. C'est le commentaire officiel de la police. Une petite dernière? La bonne nouvelle, 70 %. Oh, yes. Je l'aime bien cette semaine, celle-là. Ayant pris une semaine de vacances afin de se préparer à la chasse aux appartements, ne fut-il pas la surprise pour Andy Jarre, commentateur du Nouvelle remplaçant un podcast semi-populaire 70 %, de voir passer une annonce d'un appartement coquet en face de l'entrée des urgences de l'hôpital Notre-Dame à 150 mètres du parc La Fontaine. L'appartement, un joli 4,5 au rez-de-chaussée, ayant une cour qui donne à une ruelle non passante, a ravi celui-ci et son coloc. La surprise s'est jointe au bonheur. Lorsque les deux comparses ont découvert la possibilité d'acheter des cartes électroménagers, un barbecue, une table extérieure avec 4 chaises et un îlot de cuisine pour la petite somme coquette de 800 $. L'histoire a son dénouement heureux. L'appartement a été loué aux jolis hommes. Andy peut donc maintenant profiter de sa semaine en drogue et filles faciles. Envoyez-lui des messages privés pour profiter de lui pendant sa semaine de vacances, c'est tout. Ben oui, c'est-tu sur Tinder, ça? Non. Merci beaucoup, Andy. Ah ben, ça prestille. On arrive à la fin de 70%. Et sinon, si on veut vous suivre, les resellers, c'est quoi le mieux? Via Facebook, vous avez un YouTube vivant aussi? On a comme tout le monde. On a un Facebook, on a un Twitter, on a un YouTube. Mais le show est sur Snapchat. YouTube. The alors, resellers. On n'a plus le droit à Snapchat depuis que Carl, on n'en parle plus. Fait qu'en tout cas, faites une recherche des resellers. Ouais. Puis si vous en pognez un qui écrit avec des majuscules puis des cap lock, ben c'est pas le bon. c'est un insight, mais bon, hein, la vie étant ce qu'elle est. Là-dessus, merci beaucoup à tous les collaborateurs. Encore une fois, un merci particulier à l'équipe technique là-bas. Il y a Mathieu, il y a Maxime, il y a Alex, il y a Nick qui font un travail de moine. Les gars, merci, je vous aime tout plein. Merci aux chroniqueurs. On va tasser l'affaire. On a même un gâteau de fête. C'est débile. Les jeudis douteux. Chaque jeudi à l'Atomique Café, 3606 rue Ontario Est. Chaque semaine, un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les jeudis douteux à l'Atomique Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paye parce que c'est gratis. Un peu d'attention, on a des invités très spéciaux pour terminer le mois de mars. On est très content de les avoir avec nous. On applaudit deux folles et un banjo. Yeah! Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Allô! Oh yeah, brouhaha, j'espère que t'es en feu! Yeah! Parce que nous, on l'est, vous êtes en feu! Fait qu'on commence avec une chanson d'animaux morts, Marianne? On commence par une chanson d'animaux morts! 3, 4! Slipping et le banjo sont pactés. Les petits sandwichs pas trop dans la glacière ont décongelé. Entre la canicule et la neige radio, le plaisir subtil de compter les roadkills. Oh yeah! Tout le monde! OK! 1, 2, 3, carcasses de chat. Oh yeah! Yeah! J'ai vu un tout petit lapin sauter vers son destin. Des corbeaux s'amuser avec les intestins. Des marmottes mortes, des intestins de lapin. Et la liste s'allonge en route vers Fort Coulon. Oh, dans une boîte noire et blanche qui laisse personne confondu. Une moufette ne pura plus là où elle est rendue. Où est-ce qu'elle est rendue? Où est-ce qu'elle est rendue? À pu repu, où est-ce qu'elle est rendue? Oh yeah! Oh, oh, tout le monde! 1, 2, 3, carcasse de chat. 4, 5, 6, mais j'ai pas vu de chien saucer. Une marmotte morte, des intestins lapins. Une fois qui pu repu, et la liste s'allonge. En route vers Port-Coulonge. Oh yeah! Déjà heureuse de ramasser ces délicieux trésors, une famille de canards s'en outre sous le char. Une marmotte morte, des intestins lapins, un pitoy qui pure pu, du tartare de canard, et la liste s'allonge toujours vers Fort Coulon. Oh yeah! C'est loin! Afin de rentabiliser les trajets de tournée, traîner sa spatule est bien loin d'être ridicule. Cadavre d'autoroute, oh yeah! Oh, passionné! Original avoir sa fête au mois de mars. Quand même! Yo! Hey! Mais parce que c'était l'anniversaire de M. Godet il n'y a pas si longtemps, on va quand même y chanter sa chanson préférée de deux fois un banjo. Ah! Et voilà! Il connaît sa propre chanson préférée! Super! Cette histoire merveilleuse de fusion entre toutes les espèces animales de ce bas monde se retrouve dans une seule et même saucisse pour votre pur délire. Dans ton hot dog, savais-tu, il y a de la poudre de sabot, puis des museaux de vaches meux. Dans ton hot dog, savais-tu, peut-être un cadavre de chat, eux autres y gaspillent pas. C'est si beau, tous les animaux, porc, bœuf, poulet et veau, leur cœur et leur moyau, réunis. Moderne de 20 000 pieds carrés. Mais il veut pas juste mettre au présentateur de chez Gaspé. Ah non, deux, c'est pas assez. Ils ont peur de manquer de bouffe quand comment sera la verse. Ils se sont mis à les multiplier, les mettre en canne pour pas qu'ils puissent se sauver. Mais le déjeuner n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette bouffe-là? On les broie, on les propose dans les beaux hot dogs toasts. Dans ton hot dog, savais-tu, il y a des hormones en trop, pis ça donne des petits gros. Dans ton hot dog, sur le dessus, un arc chanson. En fait, elle va dans le même sens de notre... on est en train d'essayer de mousser notre cabaret du Grilled Cheese qui s'en vient bientôt, car tout le monde le sait, le mois d'avril est le mois international du Grilled Cheese! Ouais! Le 12 avril étant la journée internationale, on a décidé de faire notre show dans la semaine internationale du Grilled Cheese, soit le 16 avril! Yeah! À l'Atomic Café, à la même place parce qu'on fait les jeudis douteux, vous êtes les bienvenus. Ça risque d'être assez dégoulinant de fromage. Métaphoriquement. Métaphoriquement parlant, parce que le Grilled Cheese est non inclus, malheureusement. Mais on va très vraiment parler de Grilled Cheese. On va même vous raconter la genèse du Grilled Cheese, parce que l'humanité ne peut pas vivre sans savoir. Hein? Il faut que le monde sache! Vous saurez, vous saurez. Alors on vous partage cette douce romance. Quand je mange un grilled cheese, c'est comme du velours et je ressens l'amour entre le pain et le fromage qui mange un grilled cheese, ça tourne au délire, je les entends frémir, se fusionner dans une poêle qui grésille tout doucement. Je dis je mange un grilled cheese. Le beurre fait fondre mon cœur. Le beurre fait fondre mon cœur. Le beurre fait fondre mon cœur. Le beurre fait fondre mon cœur. Voilà le grilled cheese! C'est tellement poétique, un grilled cheese, René! C'est beau! Ah. Ça donne quasiment envie de pleurer, hein? Des larmes de fromage. Je pleure des larmes de fromage! C'est un spécial aujourd'hui. J'ai amené une guitare. Oh, il y a une guitare! Oh. Hey, René, avant qu'on passe à la prochaine chanson, il y a un concours! Si vous regardez en dessous de vos chaises, certaines personnes auront la chance d'y découvrir un présent. Et ce présent signifie que vous avez droit à deux billets pour le show du cabaret du Grilled Cheese! Ah! Que c'est coquin! Que c'est coquin qu'avez-vous en dessous de vos chaises? Ça, ça se peut que vous trouviez des vieilles gommes aussi, mais ça, on n'a pas d'affaire là-dedans. Non, c'est ça. Les vieilles gommes, ça ne fonctionne pas. Oh yeah! On a gagné ici! Parfait, on se voit tantôt, on va t'offrir ton prix. Et il y en a deux en fait, fait que battez-vous, hein? Il reste une tranche de fromage. L'autre, il n'a pas été trouvé. Non, l'autre n'a pas encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. On va les laisser se battre tantôt. Hey René, on n'est pas là juste pour les grilled cheese, on est là pour le... Pour le mois de mars! Le mois de marche. C'est important, hein, parce que vous savez, faire attention dans les escaliers, ça marche. Yeah. Vous êtes prêts, brouhaha, plus. Yo. Yeah. Oh, shit. Brouhaha. Les escaliers, ne sont pas nos alliés. Faut pas sous-estimer, il faut même s'en méfier. Si leur première fonction est dépassée, les et sont l'âme de faux de la destruction. Destruction! Les mots de marche en prévention. Ménage le rire. Et relève le défi. Ménage le rire. Tu n'as qu'une seule vie. Ménage le rire. Marche! Prévention! Faire attention. Dans les escaliers, ça marche. Et je garde le pied en. Faire attention. Dans les escaliers, ça marche. Et me garde hors de danger. Je me rappelle ce jour de fête et ce gâteau que j'apportais. Le grimage était épais, c'était exceptionné, il était maquette. J'arrive en haut des marches, faut pas dans ma démarche. J'ai perdu ma fierté en déboulant les escaliers. Elle coulait sur mon visage comme le glaçage au fromage. Et toi tu riais, et tout le monde riait. J'ai eu l'air con. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Tout le monde, yeah. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Et me garde hors de danger. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Faire attention dans les escaliers. Faire attention. Le mois de marche, yo. Faire attention. Le mois de marche en prévention. Oh yeah, ça n'en prendrait un. Moi, je vois ça. Ben, c'est encore toi qui vas t'être pogné à te bourrer de tranches de fromage, Tommy, tu le sais. C'est, non, la dernière fois, c'est ça. Tommy, ici présent, était notre acteur principal pour notre vidéoclip pain blanc. Puis Dieu sait qu'il en a mangé du pain blanc cheap. C'était dégueulasse. Ah, le mamelon de Tommy. D'ailleurs, je tiens à dire, Tommy, pendant la foire, le salon du disque de l'art underground, là, ton mamelon en a fait plusieurs, ouais. Je m'excuse. C'est, on savait où est-ce qu'il était rendu dans le vidéoclip, tu sais. Des sourcils de dégoût. C'était pas très appétissant là-dedans. C'était pas mon cas. Mais plusieurs ont apprécié ta performance. L'important, c'est ça. C'est l'art. C'est l'art. Ouais. C'est l'art. Alors, un vidéoclip à venir l'année prochaine, le mois de marche, mesdames et messieurs! Ouais! Voilà, parole de sagesse. On vous laisse sur une dernière chanson? Oui! Oh yeah! Une dernière petite chanson très importante. Absolument, qui révèle tout, en fait, de notre identité intérieure. Allons-y. Une virus, deux virus, trois virus, c'est rien. Quatre virus, cinq virus, six virus, c'est bien. Sept virus, huit virus, neuf virus, ça commence à prendre la place. Dix virus, c'est vraiment dégueulasse. Onze virus, douze virus, treize virus, c'est pas bon. Quatorze virus, quinze virus. Prévente pour le show du 16 avril et des albums également. Hey, en prévente 5$, 7 à la porte. Wow! Merci beaucoup à deux folles et un banjo. Le robot de l'Alliance de surveillance des planètes en voie d'éveil en orbite terrestre. Nous écoutons tous Radio H2O. Monsieur JF dénommé, mesdames, messieurs, on applaudit. Tommy Godet, tout le monde, bonne main d'applaudissement. Come on. Yeah, all right. À soir, je vais faire quelque chose que j'ai déjà fait un petit peu ici, mais c'était comme 5 minutes, puis je l'ai pimpé, ça vous tente? Yeah! Mais encore là, j'aurais fait pareil. All right. par applaudissement, y a-tu du monde ici qui sont déjà réveillés le lendemain d'une date avec une autre fille que la date, un œil au beurre noir puis un chihuahua sur la tête à Laval? Non, juste moi. Bah. Ouais, ça a mal viré. Non, j'ai tout le temps été un petit peu fucké comme ça, moi, dans la vie. J'étais fucké jeune. Moi, je pense que c'est mon père qui m'a fucké. Parce que depuis que je suis né, mon père boit beaucoup d'alcool. Parce que je suis vraiment un mauvais fils. Bref, il me regardait, là, il me voyait grandir. Il était comme, ah, il aurait dû se ramasser dans le Kleenex comme les autres. Non, après, il buvait tellement jusqu'à l'âge de 12 ans qu'on était en charge. Je pensais que c'était dans lui qu'il fallait mettre du gaz, là. Tu sais, puis il est agressif quand il boit. Je me rappelle, une fois, il a tué un bébé chevreuil. Ouais, ouais, on roulait tout croche sur l'autoroute, le Bambi sort de nulle part, mon père sac les breaks, il sort du char, puis pow, il l'a tiré dans la tête! Parce qu'il l'a coupé. Mais... Non, ouais, une fois, on a fait un face-à-face en char, puis lui, il est sorti du char en disant que c'est de la faute des deux autres gars. Puis c'est pas une affaire qu'il voyait double, c'est plus con que ça, il reconnaissait pas le char. Il était comme, mon char est pas accidenté, ça y est où? On l'a retrouvé! Non, tu sais, moi, j'ai jamais vu mon père sobre dans ma vie. Je l'ai tout le temps vu sous. Puis quand j'étais petit, je pensais que c'était ça, devenir un adulte. Fait que, tu sais, quand j'étais petit, je me pratiquais à être sous. Je m'en allais vomir dans la ruelle à 3h du matin. Genre, vie de marde. Le matin, je buvais 2 litres d'eau à mon comptoir de cuisine juste pour me pisser dessus. Je me faisais des faux tatouages au Sharpie, puis je me forçais à les regretter. Genre, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Puis à 7 ans, j'ai essayé de ruiner mon premier Noël comme alcoolique. Yeah! Oh, c'était malade. Je faisais semblant d'être sous, je prends un pyjama. Je suis comme, qui c'est qui m'a donné ce pyjama de merde là? C'est toi le Père Noël? Fuck you le Père Noël, calice! Puis ma grand-mère m'a chicané parce que c'était elle qui me l'a donné. Puis tu niaises pas avec ma grand-mère. Pour vrai, ma grand-mère te pète la gueule. Sérieux, bref, c'est elle, l'homme de la famille. Tu sais, elle a comme 5 guns chez elle. Elle a un fucking 12. Un putain de shotgun. Tu sais comment elle appelle ça un 12? Elle appelle ça un fermeur de gueule. Comme ton voisin fait du bruit, tu pognes ton 12, tu fermes sa gueule, man, OK? Quelqu'un te dépasse à l'épicerie, tu pognes ton 12, tu fermes sa gueule, OK? Jeff Fillion, tu fermes sa gueule. OK? Ferme sa gueule. Ta blonde veut changer les rideaux, tu changes les rideaux. Tu fermes ta gueule. image simple de ma grand-mère, là, faire de la lutte, elle s'appellerait Grandmominator, la fermeuse de gueule. Fait que ma grand-mère, quand elle te parle, tu... Ça prenait vite, c'est bien. All right. Non, mais ma grand-mère aussi, elle m'a fucké. Parce qu'elle habite comme dans une vieille maison qui craque dans la fucking forêt, man. Puis quand j'étais petit pis que je dormais là, j'avais peur. J'étais comme, ah, grand-maman, il y a quelqu'un qui monte dans l'escalier. Puis elle, de l'autre bout de la maison, elle me disait, non, il y en a deux, va te coucher. J'étais comme, ah! Ah! Non, en fait, je disais que je suis fucké, mais honnêtement, en 2016, qui est pas fucké? Tu sais, on vit dans un monde où pour être cool, mettons, ça te prend des tatous de sauvage, une barbe de chasseur puis une chemise de bûcheron, mais faut pas que tu manges de viande, faut pas que tu d'animaux, faut pas que tu coupes d'arbres. C'est ça, c'est comme si je dis, moi, je suis homophobe. Je suis homophobe, mais juste des grosses graines. On la refera plus, celle-là. Tu sais, quand il y a un gars que je suis pas ça, moi, je la fais, puis je check, là, je suis comme, ah, nope, non. Non, puis avez-vous remarqué que ceux qu'on catégorise fuckés, c'est souvent ceux qui sont le plus normal, en fait. Exemple super simple, tu sais, t'as Michael Jackson, le roi de la pop, accusé de pédophilie. T'as Bill Cosby, humoriste super clean, il a drogué puis violé des filles. Puis Marilyn Manson, le weirdo, le gothique, qui fait de la musique trash, 2 tickets de parking. T'sais, il y a plus de monde au Québec qui ont vu la vidéo de Magnetta qui mange des fesses de chinois que de monde qui ont vu tous les films de Xavier Dolan. Fact. Si on se fie aux statistiques, ce qui est fucké, c'est de regarder des films de Xavier Dolan. Hein? C'est ça. Ben non. En fait, tu sais, on a tout un... Tommy! Hey! Je t'entends! Dans ta chambre, botte de soeur! Il a pas compris, man. Ben non. Ah non, tu sais, on a tout... Pardon? Ouais, ça prend un 12, Tommy! Tu fermes ta gueule! J'ai appelé ma grand-mère. Non, non, moi, j'ai. En fait, c'est quoi je disais, là? C'est quoi le dernier punch que j'ai dit par applaudissement à ceux qui suivaient? Magnotta! Magnotta, Xavier Dolan. All right. Après ça, non, c'est ça, je dis que c'est normal parce que c'est quoi un fucké, en fait? Tu sais, un fucké, c'est quelqu'un qui vit en marge de la société. Fait que, mettons, ici. Ici, à soir, on est tous weird. Tout le monde est weird. Yeah! Sauf toi. Pis c'est rendu toi qui est fucké, là. Puis en plus, t'as l'air d'être. En plus, t'as l'air d'être une bonne personne. Puis moi, les bonnes personnes me font peur depuis que j'ai vu Dexter. Ça... Dexter, pour ceux qui savent pas c'est qui, dans le fond, c'est l'histoire d'un psychopathe qui, genre, pff, t'arrache une jambe, puis après ça, il s'en va chanter du marimé. Mettons, là. Puis on connaît tout un bon gars comme ça. T'sais, tout le monde connaît un bon gars. T'sais, il fait du 9 à 5 dans un bureau, prend pas de drogue, pas d'alcool, pas d'antidépresseur, puis il a l'air heureux. Ce gars-là cache quelque chose. Ce gars-là, là, moi je soupçonne que le mardi soir, il encule des poules pis il se lèche les pieds en cachette. Sorry. Mais oui, parce qu'on a tout un côté fucké, pis on veut tout le cacher pour avoir l'air normal. T'sais, même moi, j'ai un fétichisme sexuel weird, pis je le cache, t'sais, je m'adapte à la société. Pis anyway, j'ai plus le droit de retourner au Saint-Hubert. Ça, j'aime ça, parce que dans votre face, c'est écrit genre « Qu'est-ce qu'il a fait à mon poulet? » Yes. Ah, ça, c'était mon prochain punch. C'est ça, je dis. J'ai rien fait au poulet, mais quand il donne l'option crémeuse ou traditionnelle, oh, prends traditionnel, mon gars. Ça fait deux fois que quelqu'un donne mes punches ici. Fuck. C'est ça, c'est toi, c'est lui. Oh, ça va bien, man. That's it. Ben ouais. Non, non, moi, je trouve que les chiens sont vraiment fuckés dans vie. Après, un chien, parce qu'un chien, c'est tout le temps content, puis je me suis souvent demandé pourquoi les chiens sont tout le temps contents. Puis j'ai trouvé pourquoi. Ils sont tout le temps à poil. Ils sont tout le temps tout nus, man. Puis le monde, ils sont même pas choqués. Ils sont trop cute. Tu sais, ça marche pas avec les humains. Moi, je peux pas arriver dans un parc nu d'une gang de filles faire genre... Non, ça marche pas. Le dernier qui a essayé, c'est Joël Legendre. On a vu qu'est-ce que ça a donné, man. C'est pas ça. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est si t'aimes la neige, t'es fucké. T'aimes la chaleur, t'es fucké. Si t'aimes travailler, t'es fucké. Si tu penses que le BS, c'est un emploi, t'es fucké. Si t'es tout seul puis tu te prends photo, t'es fucké. Mais si t'as aucune photo de toi nulle part, t'es fucké. Si t'aimes pas Star Wars, t'es fucké. Si tu te crosses en passant à Chewbacca qui deep shot Yoda, t'es fucké. Si t'es une nonne ou une prostituée, un cowboy ou un indien, un policier ou un voleur, une crèmeuse ou une traditionnelle, t'es fucké. Bref, si t'es humain puis t'as des opinions, t'es fucké. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Écoutez présentement Radio H. Du monde 7. Salut! Moi, c'est Kevin! Êtes-vous en forme ce soir? Oui! Avez-vous aimé la playlist de Carl? Oui! Aimez-vous le fromage? Oui! Pas tout en même temps, là, wow! Toi, t'aimes-tu le fromage? Toi, t'aimes-tu le fromage? Toi, t'aimes-tu le fromage? Les autres, vous vous consulterez, là, wow! Bon. Là, moi, mon nom, c'est Kevin. Kevin, puis je suis venu la semaine passée ici. Puis là, ils m'ont dit, « Hey, ça te tente-tu de les faire l'encan si on te donne du fromage? » La semaine passée, ils m'en ont donné une dose. Puis là, ils m'ont promis une deuxième dose de fromage. Fait que c'est correct. « Hey, tu m'as eu à fromage. » »« Du fromage? » »« Non. Ça, c'est du fromag. C'est du Velveeta, ouais. Du Singles, puis du Cheese Whiz. Ça, c'est du fromag. » Hey là, je suis avec Carl! Ouais! Carl des resellers! On est ici pour vendre des cassins! D'habitude, c'est moi qui demande des 25 cents au monde, mais là, hein, ça va tôt de donner. Bon, là, ici, on a le jeu Simon's Quest, Castlevania 2, puis Master Blaster. Des guides, hein? Ça, c'est super hot, ces jeux-là, là. C'est du Nintendo. Puis moi, Nintendo, je trouve ça bien hot. C'est comme le fromage, la moutarde, puis les cordes du roi. Fait que qui c'est qui est prêt à mettre? Moi, je dirais à peu près une pièce. Deux pièces! On part! Deux pièces pour des guides. Des strategy guides, comme ils disent en anglais. Trois? Des romans d'aventure. Ah, tabarnak! Comment? Trois pièces! Hey, ça, c'était à 70%. Je le sais, Marianne. Tu m'auras pas. 3,50. 3,50? Qui dit mieux que 3,50? 4. 4? Hein? Toi, là? 4,5. 4,5, puis toi? 5? 5. 5 une fois? 5 deux fois. 5,5! 5,5! Bon. 10! 6! Oh. Merci! 6! Une fois! 10! 10! $10! Hey, y'en a des aventures là-dedans! J'ai toujours rêvé, moi, d'écouter ça, là, cette émission-là. Mais là, tu peux le lire. Hein? Un biscuit? S'il y a du fromage, moi, je suis correct. 6! C'est demi? 10! 10 une fois! 10! 2 fois! 10,75? Une fois? Non, 10,75? 2 fois! 10! 10? Non! On descend pas là! 10,75? Je m'en vais sur le 3 là! T'es-tu prête là? 10,75? 3 fois! Vendu! Carl, tu peux le donner. Sois pas timide, il s'appelle Jonathan. Jonathan, Carl, Jonathan. Oh! Ça y a déchiré le cœur. Il donnait 20$ américaines, là. C'est comme 30. Hein? Qui c'est qui a donné 20$ américaines? Il a sorti un pain américain, ça. Ah ouais, c'est toi qui l'as acheté, Carl? Non, en tout cas, moi, je m'en calisse. Moi, je veux du fromage. Hey, je t'en ai donné. C'est du fromage. Plastique. C'est pas Bertrand. Bon, ici, là, on a un cop que Carl nous tient dans ses mains. Carl, viens t'en par ici. La caméra est là. Elle est là, là. Faut que tu te mettes par là, Carl. Hey, salut le monde sur Internet. T'as mis ça, le fromage, toi? Ben, qui c'est qui est prêt à mettre une pièce là-dessus, là? Moi, je suis prêt à boire là-dedans. Ça peut monter le prix. Hey, je vais mettre du fromage liquide dedans. Une pièce! Hey, c'est Sonic the Hedgehog, là! Lui, il est bien plus hot que les mascottes de Nintendo. $2! J'ai dit ça pour t'écœurer, Carl! Non, non, lui, il a du Blast Processing, puis c'est tout. Hein, Carl? Blast Processing. Fait qu'on a deux pièces, là! Deux pièces une fois! Moi, je mets un 3$! Qui est prêt à monter plus que 3$? 3$ une fois. 3$ deux fois. 3$ c'est quoi là? 3$ c'est 50. C'est comme tu veux. Non, mais ils n'ont pas de chance. 3$ c'est 50 une fois. 3$ c'est 50 deux fois. 4$. J'en ai de l'argent, moi. Pain du fromage. 4$ une fois, 4$ deux fois, 4$ trois fois vendu à moi! Yeah! Merci! Asti que je suis hot! Maintenant, mon Carl, l'avant-dernier lot de ce soir, on a ici un beau t-shirt de Pokémon. Y a-tu des fans de Pokémon dans la place? Ouais, y en a, essayez pas! Fairy Pokémon. C'est pas mal elf des Pokémon Fairies. Bon, il n'y a pas de fromage, mais moi je dis que ça monte au moins à 3$. C'est un large, un ex-large, c'est ça? Un ex-large? Ex-large. Ça fait à tout le monde comme Chinook qui dit. Bon, on part à 3$. 4$. 5. Là, j'ai mis Hulk Hogan. C'est ex-large, je l'ai dit. Ouais, ça paraît. 6! 6! Wouh! Comme Sting. Moi, j'aime ça, la lutte de 85 à 90, inclusivement. 7! Ben, j'ai fermé ma gueule, j'ai monté à 7. 7$ une fois. 7,5 une fois. 9! 9$! Hey, ça, ça en achète du fromage. 10! Wouh! 11! Les Pokémon, c'est fort. 11$ une fois. 11$ deux fois. 12! Wouhou! Hey, boy! 12 une fois. 12 deux fois. 12 trois fois. Vendu! Wow, j'ai montré ton face, mon microphone. Maintenant, on arrive à la dernière pièce. Et comme vous avez pu remarquer, c'était tout dans le gaming. Pour faire honneur à nos invités de ce soir, les resellers. Maintenant, on a une œuvre de Caroline Veilleux qui est à notre droite. Oui, c'est notre droite. Un Pac-Man, hein? Avec les fantômes. C'est super hot. Toi, Tommy, qui est... Wow, wow. Toi, Tommy... 20$, hein? C'est ça que je me disais. 20$! 22! 25! 30! 35! Hey, ça, ça irait bien au Loisir Saint-Donat, dans le centre culturel. 40? 50? 50 une fois. 50 deux fois. 53 fois! Wouh! Vendu! Hein? Ça, c'est de l'œuvre. Colin. Bon, ben, ça a l'air qu'on a fini, mon Carl. Oh! Carl a quelque chose. Oh, boy, boy! Un Game Boy Advance? Couleur? Avec rétro-éclairage! This is a limited item that you've seen on the show. And you guys are going to want this, and I think we're going to start the bidding at, what do you say, $20 to start? That's too... 20$ partir avec ça, c'est une joke. Y a-tu la... Dans le cartridge, le grand. Ben, j'ai, viens de tomber dans quelqu'un d'autre, là. Bon, la cartridge. OK, je vais sortir de mon personnage parce que c'est vraiment important. Ça, c'est un Game Boy qui illumine dans le noir. Ceux qui ont mon âge comprennent qu'un Game Boy, ça marchait pas. Puis quand on faisait du char avec nos parents, on pouvait pas jouer dans le noir. Mais là, il a été modifié. Il a été modifié et maintenant, il fonctionne dans le noir. Rétro-éclairé. Hein? Ça, c'est comme un Game Gear, mais par Nintendo. Pour ceux qui se connaissent. Bon. Fait qu'on part à quoi? 20$? $20, man! Carl! Chante 25! OK, on part. $25. $30. $35. 42 fois. Outbitez-vous. 45. $50. Oh, ben oui, c'est signé par Carl. Signed by Carl for our English listeners. 50, une fois. $60! Woo! $60 une fois. Hey! Vous n'en trouverez pas d'autres ailleurs comme ça, à ce prix-là. $65! $65 une fois. Modified by Carl. And signed by Carl. 65 deux fois. Et motadine, vous autres. 65 trois fois. Yay! On est généreux. We are generous, my friends. Fait que c'était l'enquête douteux des pauvres. Mon nom est Kevin. Et maintenant, je vous passe un gars qui trippe sur le fromage. Pas mal. Peut-être pas autant que moi. Mais lui, il trippe ses films en plus. Il va venir vous parler du film. Puis là, il y a la belle Caroline qui va vous présenter le Yuki pour y insérer des affaires dans le péteux. C'est là que son avenir et notre avenir résident. Et là, ben, je vous passe Tommy. Hey, je viens encore de tomber dans l'autre personnage. Calisse. Merci, Kevin. De toute beauté. Hey. Merci, Kevin. Kevin! Je sais pas si c'est toi qui as fait de la toune qui mélangeait le fromage et voyage, voyage et fromage, fromage. Moi, pour vrai, j'ai eu un gigasme, là. J'étais là, là. J'ai encore des larmes qui... Je parlerai pas longtemps du film de ce soir. Le film a été voté sur le site de Facebook, en fait, sur notre page Facebook de Douteux. On le met à chaque semaine. On est tout le temps content de vous montrer un long métrage que vous aurez aucune chance de voir nulle part ailleurs sur Terre. Peut-être que si vous êtes sur une autre sphère qui flotte dans le vide, vous aurez la chance de voir ce qu'on va projeter maintenant. Sinon, c'est nous autres qui le fait. Sinon, c'est personne qui le fait. On va écouter Crocodile Fury. Qu'est-ce que c'est, Crocodile Fury? En fait, ça serait vraiment long de décortiquer le tout, parce que c'est des bouts de film avec un alligator mal fait qui a été fait en Taïwan. C'est ça? Et ça a été glué après. Est-ce que vous connaissez Godfrey O, Joseph Lai? Est-ce qu'il y en a qui connaissent eux autres? OK, eux autres, ils ont le tour de faire des deux dans un. ils tournent 45 minutes de nouveau stock et ils prennent 45 minutes de vieux stock qui n'ont aucun rapport avec ça. Et ils transforment ça en les... Tu sais, mettons, moi, je parle à « Hey, salut Pascal, ça va bien? » Fait que là, on coupe, puis là, on filme ailleurs. Là, il y a Pascal qui dit « Ah, ben oui, ça va bien, et toi? » Fait que là, moi, je reviens à moi ici, puis là, la caméra coupe là, puis je dis « Est-ce que depuis que tu te bats contre les ninjas, ça va mieux? » Puis là, on retourne à Pascal, puis il dit « Ah non, mais c'est difficile contre les ninjas parce qu'ils ont kidnappé ma fille et mon frère. » À soir, on est devant un 3 dans 1. Vous allez rapidement avoir l'impression que vous êtes pris pour des caves. Extrêmement rapidement. Et c'est voulu. Et ça, c'est votre défi. Si vous passez autour, par-dessus, au-delà de cette impression-là, vous allez être devant un des meilleurs longs-métrages de votre vie. Pour vrai, Crocodile Fury, c'est un 3 dans 1. C'est plein de personnages qui sont supposés être importants, qui vivent rien d'utile. Et il y a beaucoup d'effets spéciaux qui... En tout cas... ça commence fort, en plus. Fait que c'est un des préférés de Bruno Corbin, qui est un de nos collaborateurs précieux. Et dans à peu près 5 secondes, je lâche le micro et on écoute l'excellent Crocodile Fury de 1986. 9 années! 9 ans après Star Wars! Et dans la demi-majorité!